Diable et Zeleka, Samuel et tout le meilleur. Chérie nanga na lingaka sentiment, sentiment. Bébé nanga tolala kana senti joie, sentiment. Chérie nanga alila kana ndenge ya kio, sentiment. Makale na batanga se pendant la nuit, sentiment. Les castings à Libreville, Christian Mangou, Zakaria Itino Demi, Excellence et Dicodeur, 4x4. DJ Miel, Zoka chéri, elle est pas, elle est pas, loco la mané. Zoka chéri, pète, pète, loco la bosse. Allez, toque, n'écoutez pas la piste, s'il vous plaît. Démarré, maman Diaye, mon Saint-Saint-Chéri. Démarré, pardon, chéri. Mes petits 100 ans. DJ Arnaud Technologie. DJ Benetti, Yubaye Tonga. Tu penses-tu, as-tu fallu? Tu écoutes, yoé. Anti-Ebola. Pasteur Abedi, yo Tonga. Yo mon Dimi. DJ Amarula. Et l'on va l'abîmer, mon Pindo. Tonga, écoutes, yoé. Les charismatiques et les commerçants. George Way à Waka Waka. Christo Chihuahua triple H. Christian Bilis. Pito Luka y a référence na campagne. Aurélien Zimou. Jamena, Musika Sika Motonali Baya, Tindika, Tindika, Malembe, Tindika, Kayembe, Chentemba, El Conquistador, Benjamin. Sokola, Rio Mavuba, Pasteur Pardo, Tigana Pengualelo, Tigana Pengualelo, Pasta, Nawea, Osala, Mabon Delissima. La bouche autorisée par le Sambouzaba. Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, pardon, banou, et vous êtes sans boca. Nicolas Bazalia, Tindika, Malembe, Tindika, banou, et vous